Donc si tu veux te faire le petit bal, il y avait Damien beaucoup. Vas-y, moi. Même si tu parles avec les chaussures, il n'y a rien. Ce n'est pas la scène montante, on est que l'endroit où tu es SM. C'est seulement parce que tous les péchés que tu as commis, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour les hommes, c'est entre toi et Dieu. C'est pour ça que tu dois lui parler à lui. Parce que c'est lui qui pardonne les péchés et qui ôte les fardeaux. Amen. D'accord. Amen. Vois, tu règles le problème, ne cache rien. Parce que tu caches, tu peux me cacher en tant qu'homme, je ne connais pas. Lui, tu ne peux pas cacher. D'accord. Va, parle-lui, passe le temps. Ne dépresse pas. Passe le temps. Je prie seulement que le Saint-Esprit te rappelle toutes les mauvaises choses qu'il y a dans, en toi. Pour que tu puisses les lui confesser. Confesse-les, vas-y. Que Dieu te bénisse. Amen. Prends ton temps. Ah, parce que. Le Seigneur m'aime, c'est un peu difficile de trouver quelqu'un. Il crache la vérité comme ça. Oui, parce que moi, j'allais le quitter tout le temps dans ma vie. Je suis déjà l'ennemi, je voulais laisser ça de moi à Béry. C'est surtout un bassin qui s'appelle Bilo Madaniel. C'est un bougeonnet, c'est un moi, je suis son grand frère, le frère lui-même. Et je vais conseiller que comme tu as l'esprit de Dieu, ou c'est l'esprit de Dieu, vrai ou faux, je ne sais pas moi, tu nous t'es raconté que c'est Dieu qui te l'a donné. Oui. Bon, le fait que tu demandes l'argent là, moi, je ne suis pas, je n'aime pas. Ça c'est pas. Parce que on t'a donné ça gratuitement. Alors tu dois aussi servir les gens. Attends-toi à les dons, ceux qui ont. On appelle ça libéralité. Tout à fait. Mais les faits, les cercles, comme je vous ai parlé dernièrement. Moi, j'ai jamais vu ça dans les tous les livres où un cercle que je dois se poser. Voici par exemple un cercle ici comme ça là. Donc je fais, il me dit de faire un signe de croix comme ça là. Vous voyez bien? Oui, oui, je vois. Voilà, là, il pose la Bible au milieu. Mais c'est la sorcellerie là. Il met d'abord quelques gouttes d'huile d'olive. Oui. Le Dieu le met. Moi je mets. Oui. Il prend maintenant la Bible, il pose. Sur si, le bout de la voûte d'huile. La personne se pose là, au-dessus. Oui. Se met à prier. Un cercle comme ça, c'est 15 000. Donc pour que quelqu'un entre dans ce cercle, il faut payer 15 000. Oui. Tu donnes d'abord. Tu payes d'abord, on est passé d'abord. Oui. Mais c'est la société, il faut l'arrêter là. Bon. Oui. Alors, si c'est un double cercle, oui. Voici d'abord le premier cercle que j'ai tracé. Oui. L'autre double cercle aussi part à l'intérieur comme ça. Là. Oui. Donc c'est un peu concentré comme ça. Comme les trucs des choses comme ça. Là. Là. Oui. Comme ça. Mm-hmm. La Bible est là, au milieu. Oui. Double cercle, après 30 000. 30 000. S'il te plaît. Et les gens y vont. Mais pourquoi pas? Vous le connaissez, vous? Non, c'est. Ils sont abonnés à ma. Alors, frère, lorsque je viens de ton papa, c'est même ce que tu fais là. Qu'on a délivré, c'est qui l'avait avec. Et c'est même ma fille qui m'a mis là-bas. Cathy. Donc Cathy. Celle qui m'a mis là-bas. Ah, c'est une seule dame, je vais larguer là-bas. Elle est sortie. Elle est sortie mort. C'est qu'on a délivré les esprits des autres. Il arrive là-bas, le pasteur, il n'a pas délivré. Pourquoi? Ah, ça lui dépassé, c'est pas à son niveau. C'est ce que moi je suis en train de voir. Mais c'est terrible. Et là, il a du pays là-dedans. Il ment plus, il mélange le mensonge et la vérité. C'est même le mensonge, ça, c'est du satanisme, ça. Oui, c'est ça. Et là, vous le dit face à face. Pourquoi est-ce que j'ai peur de qui papa rien quoi, ah, mon Dieu. Je n'ai pas peur de l'être humain. Non, c'est que je crache la vérité. Je te... ah, pour moi, ça me coûte quoi. Maintenant, nous sommes dans une jungle, je ne sais de quoi. Fais-le. Oui. Moi, lui, ça tient plus. Mon mari là-bas, je lui dis, je n'y vais plus. Je parle là-bas rien que puisque j'avais prêté une somme de 100 000 francs à sa femme. Oui. Je parle, ma part est chargée. C'est ça qui me fait encore aller là-bas pour voir sa femme pour qu'elle me fasse, pour qu'elle me fasse. Oui. Il le recharge de ce que je lui avais donné. Oui. Puisque ces derniers qu'il avait amené à la maison, il venait constamment à la maison, je préparais, je lui donnais, mais là, ils se sont revoltés contre moi. Ça me pose la question, ça me pose à poser la question comme je pose chaque fois, comment est-il devenu pasteur? Ah, lui-même, il veut passer dans le pasteur, il dit qu'il est envoyé de Dieu. Il ne veut pas pasteur, il est envoyé de Dieu. C'est pas qu'on l'appelle pasteur. Donc il est prophète alors. Le frère de Dieu. Pour l'envoyer de Dieu. Il trace les cercles, il met le croix dedans. Oui, il utilise les croix. Moi-même, je faisais, il me dit de faire ça. De faire. Moi-même, je l'ai fait. Je l'ai tenté. Mais comment tu as vu que tu as pris? Qu'est-ce que tu as fait pour que tu saches maintenant que c'est le mensonge? C'est mon esprit qui m'a appris. Tu as compris que c'est faux, bien sûr. Et pendant

quand tu vas chez Jésus, tu fais que je te laisse des marches, des combats. Parce que tu es dedans tout le temps, le cœur, depuis.